paysages en Algérie. Bien trop de sang a coulé sur les rivages. Quelle tragédie. Comme une persiste longtemps, profonde blessure, à jamais infectée. Et ces enfants qu'ils claquèrent comme du ciment pour la liberté. Alors, pourquoi donc ces morts ce 5 juillet? Déshumanisant, quelle sollicitude. C'est comme au Liban ou l'Afghanistan. Depuis rien n'a changé, vive la liberté. Demande-toi pourquoi donc toujours ces guerres pour les puissants. Adieu mon Algérie.